Bah d'ailleurs, ce sera le prochain invité, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Avec Lisa Monet. Lisa Monet. Avec Lisa Monet. Qu'est-ce le plus incohérent. Mais... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette. Le premier de la saison 2. Vincent, est-ce qu'on dit bonjour aux gens? On peut leur dire bonjour. Bonjour aux gens. Est-ce que... Attends, je suis pas un peu saturé là? Ou bonsoir d'ailleurs. Non. Je suis pas un peu saturé? Non, je peux baisser un petit peu. Ce sont les aléas du montage, vous allez voir en direct. On s'en fout. Vas-y, parle. Est-ce que je suis toujours un peu saturé ou est-ce que ça passe? Ça a l'air... Moi, je dis ça passe. Ouais, ça a l'air tout à fait sympathique. Sympa. Quelle voix claire, comme de l'eau de roche. Waouh, c'est hyper beau. Hein. Alors, épisode un petit peu spécial, encore une fois, parce que non seulement il est extraordinaire et d'une grande qualité, comme tous les autres. Toujours. Mais en plus, cette fois-ci, on ne reçoit pas un invité, mais deux invités. Deux invités, oui. Qui ne sont autres que hors bombe, la bombe dorée, la bombe dorée. Beatmaker de ton état, bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu, d'où viens-tu et surtout, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Eh bah écoute, je m'appelle Jérôme, j'ai 23 ans, je fais des prods pour un paquet de gens, je fais aussi du mixage et du mastering, et Jonathan. Bien vu. Merci. Oh, il a gardé le fil conducteur. Eh oui. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous sommes donc effectivement accompagnés d'un quatrième comparse, et qui sera notre quota racial de la soirée. La minorité. Et je crois que le seul de tout le podcast... Ah non, Rob est basané aussi, ouais. Effectivement. Mais je crois que c'est bien le seul. On est pas raciste, hein. Vous voyez, on invite des personnes... Oui. On n'est pas raciste, mais... Non. En tout cas, Joshua, Acep Joshi, de ton état. Bonsoir et bienvenue. Merci, merci. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Et surtout, pourquoi la France? C'est technique, ça. C'est super technique, hein. Exact. Et simplement, on va dire que je suis l'acolyte de Goldbomb. Exact. Et... pourquoi la France? Parce que j'ai pas eu le choix. Oh, oh. C'est dur. Bam. C'est dur. Ah, c'est dur. En tant que Français, je me sens attaqué. Pour moi, c'est du terrorisme. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi chauffeur privé de rappeur? Est-ce qu'on peut le dire? Je pense parce que voilà, exactement. Uber depuis personnel. Le temps, quand même, je pense qu'on peut, le dire. Uber rap. Un conducteur d'une grande qualité qui, malgré la fatigue, vous emmènera à toutes vos destinations favorites. Appelez-le directement au 0631. À bon port, sain et sauf. À bon port. À bon port. C'est une voiture, ça va pas sur l'eau, par contre. Ah, très très mauvais. Alors, pour cette nouvelle saison, on a donc des rubriques, on a des petits jeux, et j'ai tout de suite un jeu que je vais lancer extrêmement rapidement et qui s'appelle. Attention. Rap. Ou pas rap. Exactement, merci d'avoir spoilé. Excusez-moi, oui. Juste avant, est-ce qu'on peut trinquer? Oui, bien sûr, trinquons, qu'on puisse se désaltérer de ces verres qui ne contiennent absolument pas d'alcool. Non, effectivement. À la tienne. Personne n'a bu en Coca, plus. À la tienne, mon ami. Sans citer de marque, évidemment. On ne croise pas les effluves, à la tienne. Coca ou Pepsi, hein, n'importe. Ah, c'est fou ce qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans, ça fait plaisir. Alors du coup, rap ou pas rap, le concept est extrêmement simple. J'ai sélectionné 5 lyrics qui sont tirés de vraies chansons, de vrais morceaux, donc de vrais artistes, parce qu'on est dans le monde de la réalité véritable. Et ces jeunes gens, qui sont donc les participants du jeu, doivent découvrir si ce sont des lyrics de rap ou pas, et auquel cas, peut-être essayer de trouver l'artiste, ce qui est déjà très compliqué, et point bonus, parce qu'en fait, si vous arrivez à le mettre, vous gagnez 9000 points, alors que normalement, une réponse correcte, c'est 0,5. Okay. Si vous trouvez le titre... En plus de l'artiste, vous avez 9000 points. Donc, vous avez, on a gagné. Ouais. C'est un barème justifié. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi le prix? C'est ma question. Ça. L'admiration des uns et des autres. Oh. Mais j'ai envie de dire, il aura le droit à... Tiens, ça ne concerne que attends, nous. Attends, t'es en train de chercher un cadeau non, à faire non. dans mon appartement, là. Exactement. Vous repartez il avec cette magnifique télé 4K. Est-ce qu'on en parle de cette télé 4K qui, à la base, était une veste, je rappelle. Alors, petit pour la petite anecdote, à Noël, c'était l'année dernière, non? C'était ça, ouais. On est allé chercher une veste parce qu'il se fait froid en Alsace. Exact. Du coup, on va au hall avec Vincent. À la quête de l'imperméable qui me permettra de, voilà, d'être au chaud. Exactement. En extérieur. Dans un confort, ma foi, molletonné, malgré la température. J'avoue que en entrant chez Darty, j'avais peu de chances de tomber sur là, une déjà, bonne veste. Gone wrong. Ah, tu vois. Ouais. Là, ça commence à puer un petit peu. Hein. Quand je suis allé au rayon télé, il y avait là, encore vraiment les chances diminuaient. T'es terminé. Et quand voilà. T'es sorti avec une télé 4K, là c'était mort. Exactement. Au final, j'ai pas pris de veste. Non, mais t'as une super télé. Mais j'ai une télé. Et ça, c'est tu l'as porté tout l'hiver, la télé, sur toi, du coup. Franchement, c'est pas pratique. En plus, c'est complètement con, parce que ça réchauffe pas beaucoup. Ouais, il y a une fonction chauffage si on l'allume, mais il faut un courant permanent. Donc, ça si nécessite on est en extérieur, de se balader avec un générateur. C'est vraiment ce qui est très peu pratique. C'est pas le meilleur move. Très mauvaise veste, mais très bonne télé. Exact. Écoute, on peut pas tout avoir. Effectivement. Alors, messieurs, dames, nous allons partir sur cette première citation que je vais vous faire. Alors, il y en a 5 qui sont françaises et il y en a une qui est traduite de l'anglais, qui est traduite de manière littérale un petit peu comique. Ok. Okay. Voilà. Alors, la première, c'est 1m90 et 100 kg de muscles, cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre et lui à mon cul. Qui suis-je ? Waouh ! Alors. Je dirais rap quand même. Alors, ça a l'air un peu sale. Je dirais sale rap et pour du que style ce soit pas du rap. Nicki Minaj ou Cardi B. Ok, c'est français. Pour le coup, elle est française. Ah, c'est français. Elle est française. Est-ce que c'est Shaim? Est-ce que tu peux répéter la citation? Exactement. C'est pas Shaim du tout. Shai, non. 1m90 et 100 kg de muscles, cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre. Ah, c'est Diams. Et lui à mon cul. Alors. Non, c'est pas bien. Ce serait triste. Ouais. C'est bizarre. Genre, tu sais, c'est incroyable qu'il y a la rappeuse commerciale, ensuite la religieuse, et après la rappeuse hardcore de foot. Genre, le parcours incroyable. Ouais. Est-ce que c'est une nouvelle sensation? Genre, c'est une meuf qui vient d'émerger, elle a une voix très aiguë? Alors, est-ce que j'ai peut-être une petite idée? Non, pas du tout. Okay. Je vois de qui tu parles. Ouais. C'est la meuf qui fait le clip sur les Champs-Élysées à Walpé, là. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est un peu le même délire. Ouais, c'est pas ça. Et par contre, c'est vraiment dans le style. Et à chaque fois, elle a essayé de créer la sensation. D'ailleurs, la première fois, ça a marché parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été faites sur elle sur YouTube, notamment. Que c'est Lisa Monet. Exactement. Ah, putain. Tu gagnes 0,5 points. Donc, félicitations, Jérôme. On peut l'applaudir. Pourquoi j'ai pas entendu? C'est Lisa Monet. Ah, voilà. Et on a envie de lui dire, rends l'argent d'ailleurs avec un prénom pareil. Clairement, clairement. T'es quand même allé chercher du Lisa Monet. Ah mec, j'ai des trucs, t'imagines même pas ce que j'ai sur mon disque dur. Ouais. Est-ce que tu peux tourner un petit peu ton téléphone? Parce que mon regard est un peu okay. Et ok, très bien. J'ai très pas bien. Vu, hein, mais non, y a pas de souci. Mais c'est bien, c'est très honnête de ta part. Ouais, clairement. Et j'ai envie de te donner 1000 points, je te donne 1000 points. Alors, quoi, il a 1000,5 points. Putain. Ça va être compliqué. Et moi, j'ai combien là? 0. Ah. Non, pour toi, t'as -20. Ah. J'ai toujours démarré dans la vie avec un handicap, donc j'ai l'habitude. C'est vraiment totalement fou en plus. Donc, c'est vrai. Et est-ce que tu as la musique? C'est la première qu'elle a fait. Absolument si pas. Si tu t'en souviens, t'as peut-être le titre. Non, c'est My Best Plan. Et en fait, en gros, c'est une chanson où elle brague, où elle flex à propos de son plan cul, qui du coup est un mannequin avec un énorme chibre. Qui la rend accro. Qui l'a rendu accro d'ailleurs. Tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Tant mieux. Suivante. L'un sur l'autre, cherchant la fraîcheur à l'ombre du ghetto, hier, tu sais que tout a changé. Matt Pokora. Babe, bien joué. Voilà. Ok, bah 0,5 points. 1001 points. 1001 points. Est-ce que tu as le titre? Attends. Ma raison de vivre. Attends. Non, c'est Yannick Noah. Elle me contrôle. Exactement, bien joué. Waouh, bah t'as 10 001 points. Donc, Non, 11 001 points. 11 000. Non, il y avait 1000 plus 9000. Ah, ok. Ah, oui, c'est 9000, c'est vrai. Mm-hmm. Donc. C'est qui les présentateurs ici déjà? On garde espoir, on va quand même gagner parce que on n'est pas là pour perdre. Question suivante, j'ai envie de faire l'anglaise. Poser avec le beau gosse un cigare en direct depuis Cuba, je morse ça, c'est pour le style, je ne l'allume pas. Je rappelle que c'est traduit de manière un petit peu comique. Mais normalement, le cigare en direct depuis Cuba, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est Lil Pump ? Non, c'est plus hip-hop R&B. Donc c'est du rap, Ouais, non, mais voilà, c'est plus culture hip-hop. T'as dit quoi ? Du Taiga ? Non, c'est à la base, c'est pas un rappeur. Ok. C'est un acteur, et c'est les années 90-2000. Will Smith ? Exact. Putain, je dans quoi dire, je trouvais plus son nom. Getting jiggy with it. Ok. J'allais dire le générique du French Puss, mais. Eh bien non. Ce n'est pas ça. Qui a dit Will Smith, c'est toi? Je sais pas si on l'a dit en même temps. Franchement, tu lui apportes le 0,5? Je suis fair play. 0,5 points, félicitations Joshua. Je pense qu'on peut applaudir Joshua. Félicitations. T'es sur ses talons, là. Ah, attention, j'ai envie de dire, c'est une course folle. Oui, effectivement. Ensuite, on m'a trop donné... On m'a trop donné bien avant l'envie, et j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Pas rap. Ce n'est pas du rap. Effectivement. Ouais. Bah, du coup, je n'ai pas la ref, à mon avis. Ah non, personne. C'est du R&B ? Alors, pas du tout. C'est de la variété. C'est de la variété. C'est de la variété rock. C'est du Johnny ? Exact. Oh, yes ! Bien joué. Oh. Du Johnny. Bravo. Le titre est dans la première phrase. On m'a trop donné bien avant l'envie. L'envie d'aimer. L'envie. C'est juste l'envie, effectivement. Okay. Mais bon, comme je t'ai aidé, t'es à la moitié de 9000 points, donc 4500,5 du coup. Ouais. C'est pas mal. 4500,5. Belle perf. Hein. Le 0,5, il est clair. Ouais. Mm. Ouais. Et ça vient de l'album Gang. Mm. Si vous voulez savoir. c'est vrai en plus. Gang shit. Vraiment, gang. Gang shit. Et entre parenthèses, il y a Fuck All of You. Voilà. Rest in peace. Wow. Rest in peace, Johnny. Hein. On l'a bien connu. Premier MC d'ailleurs de France. Et la dernière, mais non pas la plus des moindres savoureuses. Je me suis perdu dans ma phrase. Il est trop lourd pour toi, mon son. Sale grosse merde, je t'écrase. Voilà, je rappe largement mieux que toi. T'es trop pourri, t'es trop naze. Pas rap. C'est du rap. Tu peux répéter? Il est trop lourd pour toi, mon son, sale grosse merde, je t'écrase. Voilà, je rappe largement mieux que toi, t'es trop pourri, t'es trop naze. C'est pas le mec qui a fait un refrain où Arouf il dit Gangsta. Naze plusieurs fois là. C'est Arouf Gangsta. Ah, c'est exactement, lui, oh là là. Dans la chanson qui s'appelle LOL. Voilà. C'est tout. Exactement, LOL. Arouf Gangsta, le plus beau de tous les rebeux. Ah, bien sûr, le plus gros de évidemment. Tous les rebeux. Si vous connaissez pas, allez donner de la force, c'est vraiment un beau projet. Exactement, et c'est un artiste engagé en devenir, j'ai envie de dire, parce que et là il travaille encore un peu sur son image. Ouais. Mais je pense qu'on peut dire que c'est pour quelqu'un qui a de l'avenir. Au niveau du son, c'est pas bon, mais ça va venir quoi. Il y a pire, il y a pire, exactement. Y a bien pire. Exactement. Tenons un peu les comptes. T'as trouvé Arouf Gangsta, donc ça te fait 10 001,5 points. Ouais. Donc on peut dire que t'es premier de la partie, félicitations. Ouais, on applaudit Goldbomb s'il vous plaît. Merci. Félicitations Goldbomb. Ça fait très plaisir. Ensuite on avait Vincent avec 4500,5. C'est ça, c'est 4500,5. Et Joshua qui a 0,5 je crois. Non. 0 ? Non. Je crois que j'avais 12 000 à peu près. T'avais pas un Arouf Gangsta ? Non, moi je pense que t'avais 0, mais pour la prestance je mets 20 000 points. Donc il a gagné. Bravo Josh. Superbe retournement de situation. Bien joué. Excellent. Désolé de ne pas avoir applaudi, mais... le seum se lit sur son visage. Sur la fin, tu nous as tous eu. Voilà. Écoute. Après ce premier jeu, maintenant qu'on a bien rigolé, qu'on s'est bien détendu, j'ai envie de vous demander comment est-ce que ça va à vous ? On va commencer par Goldbomb. Bah tranquille, hein, on était bien trop sportif. Qu'est-ce qui... Bien trop sportif ? Mm-hmm. C'est-à-dire ? Voilà, j'ai enchaîné plein de choses, et voilà. Ok. En ce moment, tu veux dire, c'est un peu le taf ? Oui et non. On le sait, mais on ne le dira pas, parce que c'est un beatmaker qui taffe. Oui. Non, ce qu'il voulait dire par là, c'est que depuis le début de l'été, en fait, il a perdu au moins 15 kilos, parce que tous les jours, il n'arrête pas d'enchaîner le sport. Ouais. Et je suis là pour le motiver en permanence. Exactement. Mmh. Parce qu'on le rappelle, tu as participé, il y a quand même 3 ans... À Ninja Warrior. Non, au championnat du monde de sumo. Ça, oui. C'est Ninja Warrior qui t'a gagné. Oui. Et donc, quand même, parce qu'il faut une certaine prestance, on peut dire que tu as perdu depuis... C'est franchement. J'ai tout donné, hein, et au final, je m'en suis sorti. Toute ta vie, ça faisait des problèmes de santé, hein, finalement. Toute ta vie, t'as travaillé à devenir sumo, ouais. Et t'as tout arrêté d'un coup, c'est incroyable. Bah, les ligaments croisés. Hein. Voilà, les fameux. Hein, les fameux. Mais toujours, malgré tout, est-ce que t'arrives quand même à mettre la daronne à l'abri avec ce que tu fais actuellement ? Non. Parce que c'est quand même le plus important. Non, elle n'est pas à l'abri, la daronne. Pour l'instant, non, mais j'espère que ça viendra très vite. Où est-elle, la daronne ? Bah, à la maison. À l'abri, du coup. Donc, à l'abri. Elle est à l'abri. Oui, elle est à l'abri. Oui, bon, ok, si on parle de toi, forcément, oui. On parle pas de moi, on parle de ta daronne, l'abri. Par contre. Ah. Parce que moi, je suis à l'abri aussi, mais ta daronne. Oui. Ok, elle est à l'abri aussi ? Oui. Bah, toi, bien. Super, nickel. Toi, bien. Donc, superbe. Josh, A$AP Joshi, c'était quoi ? Onset, le troisième, le deuxième. Vous comprendrez en voyant le clip Holiday qui sortira sous peu. Vous comprendrez pourquoi. De Mismo, je rappelle. Il est déjà... Non, à l'heure actuelle, le planning ne me permet pas de telle folie, je le rappelle. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Comment ça va, Josh ? Ben, j'ai subi une petite dépression ces vacances. C'est vrai? Ouais. Simplement parce que j'ai voulu sauver un hamster. Ok. Et que je l'ai écrasé. Du coup. Donc, gone wrong. Il sauve un hamster, ça tourne mal. Ça tourne mal. Ouais. Explication. Ouais, d'ailleurs, explication. Explication. Mais ouais. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec ma nièce. Ouais. Shout out ta nièce d'ailleurs. Ouais, shout out. C'est qu'elle regarde. Ça, ouais. Gros bisous. Très sympa. Gros bisous. Et relâche, simplement, elle a lâché son hamster sur le parking. Ah. Et du coup, je l'ai écrasé sans faire exprès. Ah. La nièce ou le hamster? Ben, juste la main de ma nièce, vu qu'elle a voulu le rattraper. Ok. Mais l'hamster est mort. Ah. C'est pas de chance. Ouais. Ouais. Elle m'en veut toujours. Ouais. Pour la main ou le hamster? Je sais pas. Ah, mais elle t'en veut. Peut-être les deux. Si elle lui parle plus, il ne peut pas savoir en même temps. C'est vrai, il ne pourra pas savoir. Ouais. Donc tu es quelque part dans le seum actuellement. Ouais. Le roi du sel. Et du coup, Pepito, il nous manque à tous. Pepito, c'était son nom. Ouais. Bah, c'est marrant parce qu'écrasé, ça ressemble un peu à un biscuit maintenant. Du coup. Exactement. Super. Pepito, de là où tu regardes, mon pote. J'enverrai ça à la nièce de. Elle est pour toi. Bah non, parce qu'elle regarde. Elle est assidue, mec. Elle est ah oui, bien. Pardon. C'est notre première fan. J'ai même une liaison avec. Alors, Vincent. Quoi? Non, attends, est-ce que t'as une vraie nièce? À ton avis? Arrête, j'ai peur. Bah oui. Non. Non? Non. C'est vrai? Y'a que des bonhommes dans ta famille? Alors. Ouais, je crois. Ok. Enfin, mis à part ma mère, mais. Alors, bien vu. Ça, c'est. Elle était pas évidente. Là, donc, mais... Quoique, faudrait que je lui demande. Ouais. Ah, moi je dis, je ne crois que ce que je vois. Vincent, est-ce que ça va? Bah ouais, ça va très bien. J'ai un nouveau PC flambant neuf, ça fait plaisir. J'ai eu quelques galères avec parce que voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros j'ai eu quelques soucis, donc j'ai dû aller voir un pote pour qu'il m'aide et tout. Mais bref, maintenant c'est bon. Est-ce qu'on peut name drop son nom parce qu'il t'a bien aidé? Ouais, quand même. Ben. Shalom, Ben. Merci Ben. Merci à toi Ben. Merci à toi Ben. Si vous êtes assidu ou la bonne franquette, c'est celui qui m'a offert le mug le Big Banana. Donc voilà. Le mug si mensonger, hein, on le rappelle. Non, non, j'ai une énorme banane. Elle est énorme. Ouais. Oui, elle est ouais. Énormissime. Hein, les gars. Exactement. Hein, oui, elle est, oui, dites-le. Non, oui, dites-le. Elle est énorme. Elle est si grosse. Ah, ouais, elle est pas si grosse. Ah, vous voyez quoi? Du coup, tes galères de PC très rapidement. Ouais, bah, tout est réglé maintenant. Ouais. J'ai un PC qui fonctionne nickel, un monstre de compétition. Je vais pouvoir travailler comme jamais. Ouais. Et un peu jouer aux jeux vidéo aussi, on va pas se mentir. Fortnite? Pas du tout. Alors je Apex par contre. Apex, ouais, ça, Fortnite. D'ailleurs, vous avez vu le hashtag End Fortnite là? Parce qu'ils ont fait une mise à jour et à ce qui paraît, ça a détruit totalement le gameplay du jeu et du coup, il y a eu un trending topic incroyable, une shitstorm sur Twitter parce que tout le monde a désinstallé machin. Moi, je joue pas parce que t'as nique pas sa mère Fortnite. Parce que t'as pas 10 ans en fait. Je? T'as pas 8 ans en fait. Exactement. Ouais, ouais. Non mais voilà, et non en vrai j'avais joué un peu à Fortnite, bah on avait joué au tout début d'ailleurs. Ouais, quand c'était genre sorti. 5 parties, un truc comme ça, et c'était en attendant Dragon Ball FighterZ. Ouais, c'est vrai, FighterZ. Il sortait genre à 19h et on a joué à Fortnite 4h à peu près. Après on n'y a plus jamais joué. Ouais bon. Mais j'avoue que j'ai pas du tout le gameplay, la technique et ouais, l'intelligence, enfin les réflexes pour construire, c'est vrai que c'est chaud. Tellement dur, enfin bref. Et surtout maintenant avec le nombre de trucs qu'ils ont rajouté, moi je comprends plus rien. Elle c'est skin, trop, mon pote, trop pour moi. Attends, tu veux pas le skin dinosaure qui lui dans la nuit et tout? Ça oui. Mec, moi dès qu'il y a du skin j'achète. Hein. Un smic, dès que ça coûte de l'argent on achète de toute façon. Ah moi, dès qu'il y a des packs avec du loot et tout, moi je prends. Je dépense mon argent. Ce qui est vrai en plus. Oui. Un jour on fera un épisode sur l'argent qu'on a dépensé. Sur Rocket League. Si on finit pas à la rue avant, on fera un épisode sur ça. Parce qu'il y a des choses à raconter. Non mais c'est terrible. Mais toi, tu te rappelles de Rocket League? Oh là là, oh, là, là, là, là. Quel enfer. Hashtag Dofus. Alors. Réagissez avec le hashtag. Réagissez avec le hashtag Dofus. Vous dites ce que vous voulez, mais hashtag Dofus. Dans les commentaires, hashtag Dofus, un maximum de hashtag Dofus. Voilà, bah écoutez, oui. Pour ma part, ça va très bien. Très content de faire ce podcast avec. Alors, on tente. C'est un peu une expérience aujourd'hui, puisqu'on a deux guests au lieu d'un. Normalement, on a un setup. Ouais, Dragon Ball, n'oubliez pas, best manga. Oui. Ouais. Et ton chat s'est levé, j'ai pas entendu la MNM se tomber, si jamais. Oh, il l'a fait tomber. Ouais, je crois. Ouais, peut-être qu'il a fait un tour comme les parce qu'on a mis un MNM sur un chat qui dormait. Il l'a fait disparaître dans une faille, espace temporel, il est blanc. Apparemment. Plus de nouvelles de ça. Ça l'a pas dérangé. Triste. Bon. L'interlude très utile. Exactement. Mission. En tout cas, voilà, bienvenue dans la bonne franquette. Nous allons donc parler du sujet du jour, qui n'est autre que ça. Qu'est-ce que c'est bon la vie d'artiste? Ouais. puisqu'on bosse tous ici avec des artistes, on les fréquente tous de près ou de loin. Donc Vincent, tout ce qui est graphisme. Ouais. Donc pour, par exemple des pochettes. C'est ça. Des covers. Des covers pour des rappeurs. Quelques logos. Ouais, et quelques... Non, j'ai pas travaillé avec toi pour faire des... la direction artistique un peu de clip. Non. C'est vrai, mais on se concerte quand on bosse ensemble sur le, avec le même artiste. Ouais, on se concerte sur les designs et tout. Donc ça, c'est ouais, ça. Par exemple, bah, pour Atek, on n'est pas le citer, qui va sortir déjà Mort 4. C'est un freestyle. C'est un freestyle. Oui. Il y en a encore deux après ça. Allez voir le 3 que j'ai réalisé. Et les autres aussi, on va tout voir, on s'en fout. On est là pour l'amour, ok. Bah, en fait, Quentin a fait et l'argent, bien sûr. C'est vrai, on est là pour ça. Quentin a fait un mood board un peu pour que je puisse avoir de l'inspiration pour faire une cover. Et du coup, je m'en suis bien servi pour créer cette cover. Et lui, en fait, bah, du coup, il va s'inspirer de ce que moi j'ai fait pour son clip. Donc, exactement. Alors, ça va être un peu compliqué parce que, enfin, un peu compliqué. Disons que ça va pas être finalement aussi corrélé qu'on l'aurait voulu parce que on a tourné dans un cimetière et comme ouais. Toi, t'as fait une pochette qui. Est-ce que le clip sortira avant ? Non. Bref. En tout cas, il a fait une pochette qui a un design très spécial, qui est très streetwear, un petit peu même fashion. Mm. Et on a tourné dans un cimetière. Oui, je peux le dire parce que de toute façon, on a fait des stories. Donc, oui, je peux le dire largement. Oui. Il y a même des photos qui sont sorties. Ouais. Et du coup, effectivement, bon, ça va être compliqué de relier les deux. Mais en tout cas, l'esprit qui, à la base, était Tokyo Ghoul, dans des couleurs très saturées, un petit peu sombres et tout, reste quand même respecté. Donc, ça fait plaisir. Mmh. Ouais. Josh, on peut dire direction mentale, coaching. et toujours. Uber. Ouais. Tout simplement, quand il y a une demande, je l'accepte. Exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut c'est dire... bon à savoir pour tout à l'heure. L'homme a tout faire. L'homme a tout faire. Il faut un homme à tout faire. C'est très impressionnant. Merci. Si vous avez vu le. C'est bon pour tout à l'heure, comment ça ? La partouze ? Non. Parce que oui, ouais. Oui, bah c'est vrai. Ouais, c'est de ça qu'on parlait. D'accord. Mais il fallait pas le dire. Ouais, bah voilà, j'avais pas explicitement. J'essaie d'être discret, mais voilà. Ok. Non, parce que. Voilà. Toujours tout. Après, on se baise, c'est ça le. En toute discussion. Non, alors. Là, tu l'as encore explicité. Il fallait pas le dire. Je suis désolé. Mais au montage, je ferai un cut et tout. Ouais. Pas de soucis. Là, c'est monté. Cut dans la bonne franquette. Il n'y a pas de cut dans la bonne fourquette. On a hésité. Il y a des fois où on hésite parce que, notamment dans le. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Bah, si, dites. Bah, non. Allez, assumez, là. Hein ? Allez-y. Non, il n'y aura pas de cut. Ok. Bon, ouais, très bien. Ils sont sur leur garde. On ne pourra pas terminer de carrière ce soir, malheureusement. Malheureusement. Attendez, mais il a planté là. Il y a une erreur 404 sur sa personne. C'est bon, il a démarré. Non, je réfléchissais à un truc que j'ai fait il y a 6 ans et c'était pas une bonne chose finalement. Ah. Voilà. Est-ce que, effectivement, du coup, alors, merci en tout cas. De rien. Ça fait plaisir. Mais du coup, ouais. Gold bomb. Oui, comment oui, tu. Oui, oui. Beatmaker, tu... producteur, ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Ami avant tout. Oui, évidemment. Mm. Bah pas dis-nous un peu plus hein, ce que sur tu... ouais bah ouais moi je bosse avec pas mal de gens et les plus fréquents et les plus récurrents c'est du coup à Miss Mo, Arab, Atek du coup parce que déjà mort 2, 3 et 4 ah coup. C'est toi la prod ouais. Ah, non ouais. En fait j'ai pas fait la prod mais genre c'est compliqué en fait si tu veux des fois okay. Il prend des prods YouTube voleurs qui ouais. Sont voleurs. Pas et du coup je bricole dessus pour que ça soit un peu mieux et plus adapté au son qu'il veut faire tu vois. Et bah derrière, je fais le mix et le mastering. Ok, ouais. Voilà. Dans le milieu, on l'appelle le brodeur. Ouais, voilà. Le brodeur. Le bricoleur. Gold bricoleur, d'ailleurs. Gold bricoleur, effectivement. Donc, j'aurais dû utiliser, finalement. Mais... Et c'est quoi ton prochain projet ? Avec quel artiste ? Balance un peu, là. Bah, il y en a si tu peux balancer, bien sûr. Un peu dans tous les sens. J'ai quelques sons à moi qui sont encore en stock. Je réfléchis à comment les sortir. Oui, il a ouvert une chaîne. On l'avait déjà dit, d'ailleurs, dans l'épisode d'avant, mais il a ouvert une chaîne de beatmaking. C'est parti pour l'instant promo. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toi pour ces super visuels que tu me fournis. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais ouais. Très, très stylé, d'ailleurs. De belles directions artistiques. Merci beaucoup, concurrent. Quoi ? Je vais tout te prendre. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure. Ouais, t'inquiète, je te ferai tout le reste parce que merci. Pour l'instant, c'est pas ouf. On voit qu'il fait de la vidéo à la base. Plutôt lent quand même. Hein. Ouais. Hein ? Attendez, mais vous. Allô ? J'entends pas dans mon casque. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous avez Allô ? Mais je vous ai pas entendu pendant 10 secondes. Vous disiez quoi ? on disait que tu faisais du très bon taf pour Gold Bomb. Ah bah ça fait plaisir, merci. C'est énorme ce que tu merci fais. Merci les potes, ça fait super plaisir. On en parle. Ok. De quoi? Hein? Hein? De quoi? Les compliments, tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Oui. Bon, en tout cas, merci, ça fait plaisir. T'inquiète, on est là. On est là. On est là. On est là. Et toi alors, Quentin, comment tu collabores avec les artistes? Bah, réalisation de clips en priorité. Avec une coupure pour la carte SD que je vais faire maintenant d'ailleurs. Allez! Waouh, on n'a pas vu la coupure, incroyable! C'est ouais, fou ce podcast. Ouais, ouais. Alors, attends, finalement, il y en aura un, 4. Ouais, non, en fait, il y en a un toutes les 25 minutes à peu près. Toujours. Faudrait pas s'investir dans une meilleure carte SD. En fait, c'est une limitation de la caméra, ça doit être possible. Mais c'est pas une norme européenne d'avoir les 30 minutes je crois que c'est sur ça, un appareil photo. Je crois que c'est ça, mais c'est très bizarre parce que sur le GH4, tu pouvais acheter une sorte d'upgrade logiciel qui permettait au logiciel d'outrepasser cette limite. Donc je sais pas à quel point la réglementation européenne est vraiment mal faite, mais on vous baise. Oh! Ce sera censuré, j'espère. Non. Je vais mettre 10 heures de « on vous baise ». Tu peux me faire une instru ? Et on fait une musique genre « on vous baise, on vous baise, on vous baise, on vous baise ». Tous ensemble, « on vous baise, on vous baise, on vous baise, on vous baise ». Ça serait pas ça. Ah, il baise personne, ce gros puceau. Alors, quoi ? Du coup, ouais, donc réalisation de clips, photographie, et du coup, après, tout ce qui est direction artistique de clips, motion design, voilà, c'est... C'est tout un package, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir, parce que c'est quelque chose qui, encore quelques années, pour l'anecdote, je me disais, putain, j'arriverai jamais à faire ça. Ça m'intéressait beaucoup de faire des clips. Mais je me disais, non, il faut connaître un artiste, il faut qu'il nous fasse confiance, ou alors il faut être un peu dans les petits papiers, tu vois. C'est comme quand tu veux faire de la télé ou écrire des scénarios. Évidemment, il faut connaître certaines personnes pour aller beaucoup plus vite, mais en réalité, preuve en est aujourd'hui avec YouTube, il y a des gens qui n'ont aucun contact, qui ont réussi à percer... à Canal ou même au cinéma, donc comme quoi tout est possible, réalisez vos rêves, mais surtout voilà. Et moi j'ai quelques questions par rapport à ça. Oh. Comment se fait la première prise de contact avec un artiste? Est-ce que t'essayes de faire un peu ami-ami avec lui, rentrer dans son univers, tout ça, comment ça se passe? Alors je pense que c'est une question auquel on pourra tous répondre. Ouais, justement, c'était ça. Nickel, superbe question du joueur français. Bah, je te laisse répondre en premier. Ok, bah ça fait plaisir, merci. Y a pas de Neurodam, c'est ça ? On est galant, ouais. Merci beaucoup. En plus, t'as dit on est galant en même temps. Oui. Non, il y a 6 ans, c'était vraiment pas une bonne idée. Voilà, j'ai repensé, mais vraiment pas. Non, une bonne idée. Vraiment pas. Du coup, mais là, tu parles de premier contact avec un artiste ou ouais, quand le clip comment, est déjà signé? Déjà, non, déjà, bah, en fait, c'est pour ça que je disais plusieurs questions. C'est genre comment des gens te contactent, okay. Comment ils voient ton travail, et alors, ou dans le cas où tu vas bosser avec quelqu'un, comment l'approcher, tu vois. Je pense que ça. Oui, aussi. En vrai, aujourd'hui, j'ai plus tellement besoin de démarcher, sauf quand il y a un artiste qui me plaît vraiment, où je pense qu'il y a une certaine performance. Non, mais c'est comme vous, regarde. Bah oui, évidemment. C'était vraiment pas une bonne idée il y a 6 ans. Non, vraiment, j'y réfléchis encore, j'ai des flashs et je me dis non. Le casier est toujours là, et il sera toujours. Pour du vrai en plus. Shout out la police. On est avec vous. Enfin, non, on est avec des rappeurs, donc on n'est pas avec vous du tout. Hey, fuck la. Un peu, fuck pas la trop, police. Un peu, ouais. Un peu genre. Ouais. Parce que, ouais, bon, allez. Et du coup, effectivement, au début, j'ai eu de la chance. Il y a eu tout ce concept de lacrymerie, donc on a fait un collectif avec plusieurs rappeurs. C'est là que j'ai rencontré Rob, Shoguns, Jnoun, Osaka, LSG, Ozix, Epium et Guapo Bene, je crois que j'en oublie aucun. Werko, effectivement, le bon Werko Yago. Et du coup, on avait aussi comme producteur à la base, Solker, qui est un confrère à toi, on peut le dire. Oui, un concurrent, moi j'aurais dit concurrent. Non, c'est moi, mec, peux, le monde de la musique. Les deux, exactement. Un confrère, c'est ton frère et ton ennemi. Ouais, je dirais ni l'un ni l'autre. Enfin, je dirais surtout ennemi. Ah, c'est vrai, tu connais pas tant que ça. Non, j'ai discuté avec lui 2-3 fois. C'est mais ouais. Parce que c'est du talent en barre, ces deux hommes. Oui, ouais, clairement. Donc, si vous êtes artistes musicaux, foncez, achetez des prods, payez un petit peu, là, raquez, on vous voit, là, à dépenser dans des McDo. Oui. Prenez votre musique au sérieux, les pauvres. Oui. 200 euros pour une prod, qu'est-ce que c'est? Et faites pas les choquer quand on vous annonce les tarifs, hein, c'est très énervant. Et tout le monde doit manger, d'accord? Oui, ouais, on travaille la daronne très longtemps. On a dit. On travaille très longtemps pour arriver à là, du coup. Ouais. Un résultat final. Si on faisait un petit exemple, Jérôme. Non. Sinon, il va devoir y avoir du montage. Ouais. 7000 euros la prod. Non, effectivement, tout travail mérite salaire, très important. Oui, ouais. Donc, aussi bien dans la vidéo d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, mais partout en fait. Oui, oui, clairement. C'est comme un plombier qui revient chez toi, tu vois. Effectivement, il peut réparer ça en 10 minutes, mais ça demande des années de travail et tout. Donc, exactement. Il y a pas de. On paye pas au mérite, on paye à la valeur que on apporte aux personnes. Donc voilà. C'est, il faut se conformer à tout ça simplement. Donc effectivement, aujourd'hui, ça marche beaucoup par les DM Insta, puisque j'ai pris la décision d'orienter mon Insta qui était plus perso à la base, beaucoup plus pro. Avec des photos, avec des artistes, avec les clips aussi que je pose. J'ai fait un compte perso, j'ai fait un compte pro, pardon, uniquement lié à ça, avec des photos de chaque clip, le clip en question, ce genre de choses. Donc il y a tout un portfolio qui a été mis en ligne. Et du coup, maintenant, avec le bouche à oreille, c'est extrêmement simple. J'ai, on va dire, une demande de clip par jour, parfois plus, en DM Insta. Donc c'est. Après, il y en a peut-être qui sont pas trop intéressantes pour toi. Ben, le truc, c'est que le temps, c'est extrêmement précieux. Ouais. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne se rendent pas compte du travail que c'est de réaliser un clip. Ouais, parce que, en fait, je pense que le piège, là, c'est que les gens, ils te voient réaliser avec une caméra, machin, et ils se disent, le gars, après, il va faire des cuts. Parce que c'est très obscur, le montage, tu vois, sauf si t'en fais, c'est mystérieux, tu vois. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait, machin, etc. Alors qu'en vrai, il y a tout un travail derrière, il y a les effets spéciaux, l'étalonnage, la synchronisation, les titrages, enfin, c'est très compliqué, c'est très long. Et du coup, effectivement, tout ça a un prix, parce que le temps, c'est extrêmement précieux. Avec l'attention, c'est les deux ressources les plus précieuses qu'on a. Pardon. Et à la tienne, mon pote. Oh, c'est très belle celle-là. Et c'est le premier dans la bonne franquette. Non. Il y a eu des renvois, mais il y a pas. Non, il y a eu des rots. J'ai roté dans un épisode où je me moquais de gens qui disaient je sais plus trop quoi. Et je faisais. Ok, faudra que je réécoute ça en boucle. Toute l'élégance qui est chère à mon cœur. Eh oui. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, effectivement. Après, il y a parfois, si vraiment un artiste me tape dans l'œil, je vais à l'infirmerie. Quoi, ça fait mal, exactement. C'est pas très gentil. Hein. Non, mais voilà, si un artiste me tape dans l'œil, je vais parler avec lui pour voir ce qu'on peut faire, etc. Mais pour répondre à ta deuxième question qui était de ça doit être compliqué de gérer, de trier et tout, oui, parce que artistiquement, t'as des gars. Déjà, c'est compliqué parce que ton travail, il faut qu'il t'apporte aussi de la visibilité, puisque tout va très vite. On est dans une industrie quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, si tu produis rien, malheureusement, tu es très vite oublié. Donc, faudrait vraiment parler plus longuement de ça. Mais c'est loin d'être aussi simple et clair que ce que les apparences peuvent montrer. Parce que, par exemple, pour une après-midi de réalisation, il peut y avoir 4 jours de montage, par exemple. Et ça, c'est énormément de temps. En fait, le truc, c'est qu'on demande souvent des grilles tarifaires ou des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est un peu compliqué à donner parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Ça dépend du nombre d'effets. Est-ce que tu veux des couleurs spéciales? Est-ce que tu veux un rythme spécial? Est-ce que tu veux des effets en particulier? Est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que je vais devoir faire 4 heures de route? La durée du clip. Il n'y a pas de critique avec personne, je dis ça parce que ça. Parce qu'on est allé. On est allé à Genève récemment avec Mismo et c'était 4 heures de route, mais il n'y a rien contre Mismo. C'est juste qu'effectivement, quand tu te déplaces, ça fait de l'essence. Mais en l'occurrence, c'était 6 heures. Effectivement. C'était 6 heures 6 heures. Oh shit. On a mis toujours plus longtemps que ce qu'on aurait dû. Sans parler des bouchons du retour, qui étaient très pénibles. C'est vrai. D'ailleurs, on s'est levé extrêmement tôt et comme tout le monde s'endormait un peu dans la voiture, puisque je le rappelle. On a été conduit par l'excellent Joshua. Joshua Huber. C'est très bien comme. Il nous a réveillé avec. C'était quoi? C'était de la trance. Robert, ça me va. Ok, l'eau. Tant qu'on t'appelle pas quoi, Robert? Non, j'ai dit mon papy s'appelle Robert, du coup ça me va. Ah, ok. Merci, papy. Shout out le papy. Allez. Et tu nous réveillais avec de la trance, c'est ça? Et du métal aussi. De la psy-trance. De la psy-trance. Eh ben, ça fait plaisir. Surtout qu'on avait consommé un maximum de champi. D'ailleurs, est-ce qu'on parle? Putain, on pourrait parler de l'anecdote de la douane. On s'est fait arrêter à la douane. Non seulement ça a été long, parce que j'avais oublié ma carte d'identité, donc il a fallu qu'elle aille checker, machin, etc. Mais après, elle nous a demandé quoi? Ah ouais, vous avez pas de cannabis? On a dit, bah non. Bah, vous êtes sûr? Vraiment? Genre, les gars, ils font. Bon, d'accord, c'est vraiment. Incroyable. Mais vous en aviez pas, hein? Non. En fait, moi j'avais mon sac en dessous du volant. C'était de la Et je savais oubliée. Pas. Ouais, enfin, c'est du storytelling, je le rappelle. Enfin, ouais, ouais, ouais. C'est pas vraiment drôle. Non, c'est. La drogue, c'est pas bien. Non, ouais, enfin, ouais. Ouais, dans le rap, c'est faites toujours. Pas ça. Non, pas vrai. C'est on ment dans le rap. Et d'ailleurs, merci à la douanière pour sa gentillesse. Ouais. C'est, attends, c'est totalement sarcastique, ça. Oui, oui. Oui. Je pense qu'on rappelle bien que Lisa avait besoin d'uriner depuis un certain moment. Oh là là, la pauvre Lisa. Et elle ne voulait pas la laisser sortir de la voiture. Ah, il y a Lisa qui sera une de nos invitées. Bientôt. Bon, tu spoil de manière éhontée, je déteste, mais... Quoi ? Il n'a pas précisé quelle Lisa. Ouais, c'est vrai. Lisa Monet, d'ailleurs. On n'a pas dit... On va tourner un porno en live avec Lisa Monet. Donc abonnez-vous, ça arrive. Un porno chantant. Exactement. C'est pas toi, le 1m80 ? Je suis de Vasquez, rien. 1m80 et elle parlait pas de la taille du corps. Hein. Alors, t'imagines 1m80, l'enfer en fait. Ouais. Clairement, au quotidien, c'est. Ça traîne à côté de la chaussure quoi. C'est bah, toi qui le vis de manière quotidienne, problème ou pas? Bah ouais, faut l'enrouler quoi. Mais après, faut pas être. Alors, pas être moi, on m'a dit que c'était sympa de la mettre autour de la jambe comme ça. Mais du coup, t'es obligé d'avoir des baguilles, pas de slim. Oui, ouais, non, c'est. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, tu as dit une époque baguille? Non, moi pas du tout. Vous avez jamais porté de baggy? Si. Ah ouais? Mais c'est, je sais pas. Avec la casquette New York et la chaîne en or. Et la chaîne en or, elle est là, mon pote. L'argent, tu connais. Ridicule. Quoi? Ah, attends, ouais, mais non, j'ai dit pas mal là du tout, la chaîne en or. Allez, ferme ta gueule. Ouais. pas de période baggy pour toi, Quentin? Si, mais c'était au lycée. Non, au collège, pardon. Quand tu testes un peu tous les styles. Oui. Et que tout le monde te juge, ce qui est normal. Oui. Ce qui est parfois assez méchant quand même. Les adolescents sont rarement tendres à ce niveau-là. Clairement. Et effectivement, bah, je pense qu'on est tous passés par des accoutrements plus ou moins bizarres parfois. Oui. Moi, c'était cherchant, jusqu'au mi-lycée, c'était juste du balai-couille. Genre, je prenais vraiment le premier truc qui vient. Parce que mi-lycée, c'est vachement long. Ouais, quand même. Okay. Bah, j'avais peu d'estime de moi. Parce que je rappelle, une fois à l'IUT, t'es venu avec une jupe et le lendemain, tu nous as dit, bah finalement, j'ai testé, pas ouf. Ouais. C'est vrai, j'ai fait ça et. Il y a le problème du pénis baladant, quoi. Ouais. Bah oui, surtout que je portais rien en dessous. Oui, bah. On le voyait, je bah, jamais oui, évident. Quand évident. J'étais assis, en plus, je manspreadais à fond. Ouais. Donc... Est-ce qu'on peut arrêter sur cette histoire? Bon, allez. Mais du coup, on peut passer à, oui, à Goldbomb. Ouais. Comment ça se passe le contact avec les rappeurs? What's ouais, going les on relations. Et bah. Surtout. Il y a 6 ans, c'est passé. Arrête, c'est bon, c'était vraiment pas une OK. Voilà, c'était pas une idée. Je suis rassuré, c'est au clair. Il y a 6 ans, c'était vraiment pas une bonne idée. Non, ok, y a pas de soucis. Putain, j'adore ce running gag. Bah, moi je le déteste, ça s'est très mal passé, d'accord. Donc, Pardon, gueule, bon, vas-y, allez-y. Allez-y, d'ailleurs, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais. Bah, en gros, ouais, genre, en fait, j'avais pas ce problème de l'approche. Enfin, depuis que je fais du rap, je l'ai plus trop. Mais avant, quand je faisais de l'EDM trap, tu sais, tout ce qui est DJ Snake, tout ça, enfin, électro, quoi. Bah, c'est une des périodes où j'ai reçu le plus de collab, bro, de toute ma vie, quoi. Genre. De collab, bro, c'est quoi? Ouais, bah, ah, genre, ils viennent, okay. Ils collab, te disent même pas bonjour, tu vois. Collab, bro. Collab, bro. Et toi, t'es là, genre, non. Donc, tu dirais que l'EDM comparé au rap, c'est plus du grattage de visibilité alors? Oh, ouais, bah clairement. Enfin, ouais. Genre, c'est pour une bonne raison que j'ai arrêté de faire de l'EDM. Hein, Pourtant, t'as fait des gros chiffres, on le rappelle. Ouais. Arrête de gonfler mon ego. Non, non, oui, mais bon, faire des vues et quand même rester chez sa mère, genre ça. Talentueux, genre. Voilà. Oui, mais au moins, tu les as labrés avec la dent. Ouais, tu me mets mal à l'aise. Et ouais, du coup, je voulais dire que ouais, t'as beau faire des chiffres et tout ça sur un écran, ça reste que des chiffres dans l'écran, y a rien qui change dans la vie. Parce qu'il faut savoir que genre la trap, c'est un mouvement qui marche hyper bien aux États-Unis, mais en France, enfin vous le voyez bien, genre ça s'est éteint depuis un moment ici, alors que là-bas, c'est toujours souvent un truc de fou, tu vois. Bah, en fait, je trouve qu'en France, elle a vachement évolué. Genre, c'est devenu un truc très juste des pianos. Il y a souvent 3 notes de piano avec une rythmique rap. Trap, pardon, mais il n'y a plus la trap, effectivement, comme électro, ce qu'on peut trouver sur Strap Nation et tous les trucs comme ça. Ça, c'est vachement éteint ici. Ça n'existe plus, ouais, clairement. Vrai. Même à Paris, hein, genre, il y avait des clubs, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y avait des clubs spécialisés qui ont trap qui fermé, quoi. Le plus connu, Trap Club. Trap Club. Et Club Trap. Et Club Trap, ils sont concurrents. C'était voisin. C'est pas le concurrent, c'était voisin. Et ouais, non, pour répondre au truc par rapport au rap, comme je disais tout à l'heure, je travaille principalement avec 3 ou 4 personnes, du coup. Mm-hmm. Et je suis pas comme les autres beatmakers qui cherchent absolument à faire un site internet, vendre leur prod et genre juste faire le bif là-dessus, quoi. Mm-hmm. Genre, pour moi, je préfère ne gagner moins de sous et évoluer avec des gens avec qui j'aime bosser, tu vois. Construire une vraie relation, quoi. Ouais, voilà, et d'avoir un but commun, tu vois. Enfin, un peu ça, comme Zizi et Val, par exemple. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Dans le genre de, ouais, ouais, c'est de exactement relation. Ça, ouais. Intéressant quand même, parce qu'à la base, ils pouvaient pas se blairer l'un et l'autre. C'est ouf quand même, ouais. Ah ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai, avec Misso. Il détestait au début, genre vraiment. Genre un jour, il est venu, on a été présenté par un pote à nous qui s'appelle Chris. Et il débarque dans la pièce, j'étais comme ça devant l'ordi, je me retourne, je dis même pas bonjour, je fais « Bon, on s'y met ?» Et lui, il était genre « Bah, je comprends qu'il déteste, en fait. » C'est justifié un peu. Et maintenant, voilà, il me fait des bisous, des câlins, et voilà. Exactement, et bien plus, et affinité. Parce qu'il faut bien te payer, finalement, donc tu payes comme on peut, hein. Effectivement, juste, j'ai pas répondu à cette partie de la question, mais effectivement, c'est très important aussi de nouer pas forcément une relation amicale avec l'artiste, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Notamment avec Atek, je l'adore, mais il habite loin, tu vois, donc pour se capter et faire des sorties, c'est compliqué. Clairement. Donc on essaye d'être le plus productif et chaleureux quand on se voit et tout, mais voilà, c'est pas forcément facile. Mais effectivement, par exemple, Aérobe qui est déjà venu. Aérobe, j'ai eu un petit accent marseillais. Oui, la cité phocéenne représentant. Et du coup, voilà, effectivement, c'est important. Mais ne serait-ce que humainement, en fait, ça fait plaisir de casser la barrière juste du business et de la musique. Ouais. Et de rencontrer des gens. C'est toujours plus agréable de travailler avec des gens qu'on kiffe bien, tu vois. Tout à fait d'accord. Mais même, honnêtement, c'est pour ça que je fais le métier, tu vois. Bah oui. Parce que c'est créatif, artistiquement, c'est intéressant. Mais si en plus, tu peux t'immerger dans une sphère et faire construire quelque chose de grand avec la personne, ça, c'est, oui, voilà, ouais. C'est trop bien. Bon, en fait, il y a toujours un verre du décor. Enfin, je veux pas citer de nom, mais. Ok. Quand tu fais. Balance, faut balancer. Faut assumer. Au pire, je le bip. Ok. Moi, par exemple. Ouais. Tu vois bien, pendant les clips, ils font leur tête de méchant et tout ça, tout ça. Mais c'est des amours. Exactement. C'est... Ouais, clairement. C'est bon, très après, c'est du storytelling, tu vois. C'est un jeu d'acteur et voilà. Bon, moi, comme dit, je peux pas prendre parti en tant que réel. Ça serait compliqué pour moi de dire ce qui est faux ou pas. Mais gardez un esprit critique. Tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous raconte n'est pas forcément vrai. Vincent. Oui. What's going on? Bah écoute, là je mange un peu des M&M's, je me fais plaisir. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est professionnellement, pas tu es extrêmement, tu es extrêmement doué, talentueux et créatif, donc parle-nous de ton métier. Pour l'instant tout ça c'était vrai. C'est vrai. Mais... Pour l'instant seulement. Non, on en parle tout à l'heure encore une fois. Ouais, pas de soucis. Ouais. Attends, putain, mais j'entends pas le casque, c'est incroyable. Peut-être rebrancher, non? Ouais. C'est mieux? Ouais, t'entends là je vous entends, c'est bien. Ouais. Ok, nickel, pardon. Non, c'est cool. En fait, moi, j'ai souvent des contacts par Quentin, en fait. Il parle beaucoup de moi quand il fait des clips. Les gens lui demandent, tu serais pas quelqu'un qui sait faire une cover? Ou alors, il lui demande directement lui s'il sait faire une cover. Et du coup, il drop name mon nom. Donc, Il faut faire croquer. C'est vraiment une passe-dé. Mais c'est marrant parce que moi, je suis plus en mode... j'ai plutôt des contacts dans le milieu d'entreprises. Ouais. Et du coup, je fais croquer Quentin par rapport à ça. Je drop name souvent son nom dès qu'ils ont besoin d'une vidéo ou quoi, je leur dis tout de suite. En fait, lui, c'est plus avec les artistes, les rappeurs. C'est marrant parce qu'on a vécu exactement la même situation, mais pas dans le même domaine. C'est-à-dire que dans le milieu artistique, avec les rappeurs, j'ai explosé très vite, exactement. Ce qui m'a permis de te plug. Ouais. Mais toi, professionnellement, t'as explosé ultra vite, ce qui m'a permis de me plug aussi. Exactement. Donc, et c'est bien parce que... On se rend la part. Parce que bon, au niveau des collabs, ça permet de... Comment dire? Les entreprises, disons que évidemment, elles ont des budgets d'entreprise, donc elles payent normalement. Et du coup, ça lui permet. Vincent est riche, je le rappelle. Ça me permet il de est imposable à l'ISF. Quoi, je comprends pas. C'est-à-dire que il a un manoir. Hein. Non, une gamme regardez, de yacht à son nom. Ça, c'est mon appartement. Il est incroyable. Non, c'est le premier étage des 7 que tu as. Ça, c'est juste mon débat, en fait. Exactement. Ouais, on est dans la cave, quand même. L'acoustique était la plus propre. Oui, exactement. Ouais, je préférais qu'on tourne ici. Et puis, j'ai pas envie qu'ils salissent mes affaires. Puis le marbre, hein, quand même, ça se dégrade vite. Mec, d'ailleurs, nickel, ta télé en marbre, comment t'as fait? Ouais, genre. Bah, franchement, à la base, c'était une veste. Darky, ils font ça. Encore? Ouais. T'as vraiment un problème. Tu sais que c'est pas le même objet, Vincent. Hein. Ouais, mais écoute, on fait avec ce qu'on a. Je fais rien, j'entends bien. Non, mais du coup, c'est cool parce que, en fait, dès que. Disons que ce que tu fais, toi, avec les artistes, ça te permettrait pas forcément de vivre bien, en tout cas. De gagner une. Ça te permet de payer ton loyer, on va dire. Mais pas beaucoup plus. Ouais, ben, honnêtement, pour tous les aspirants clipmakers qui nous écoutent, s'il y en a, ça paye très très mal. Tant que vous collaborerez pas avec des artistes qui ont signé, en fait, c'est que de la perte. Vraiment, je vais être honnête avec vous, c'est que de la perte. Moi, je continue parce que j'adore artistiquement, c'est trop intéressant. Mais c'est si vous gérez mal votre budget, comme j'ai pu le faire. Ça va vous foutre, dans une merde noire. Donc, notamment avec des entreprises aussi, du coup, qui mettent des mois à payer. Exactement. Ça arrive aussi. On en parlera une fois, mais ouais. Là, c'est peut-être un peu plus trop. Avec peut-être avec un entrepreneur ou un truc, ça peut être intéressant. Tiens, j'aimerais bien parler un peu business avec quelqu'un qui a fait le pas de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Est-ce que, parce que toi, t'es inscrit à la SACEM ou pas? Pas encore. On a rempli le dossier, mais là, il manque encore 2-3 détails avant d'envoyer le truc. Ouais. Je le fais avec Mismo et Rob. Ouais, ah bah oui, mais eux ils l'ont déjà fait, je crois. Hein. Ouais, bah on est au même stade. Ok, d'accord. Alors, ça va être envoyé d'ici peu, mais. Tiens, d'ailleurs, du coup, vu que Rob maintenant est à Toronto, il est toujours souci à la SACEM France. On peut juste rappeler ce que c'est la SACEM. Parce que pour moi, c'est pas clair. C'est la société protectrice des droits d'auteur. C'est la prostate française. Voilà, la prostate française. Des musiciens. Et du coup, ça permet que si quelqu'un utilise votre prod ou votre musique, vous pouvez l'attaquer. Enfin, ils vous doivent quelque chose, quoi. Bah, en gros, forcément. Tu vois, quand YouTube strike une vidéo à cause des droits d'auteur, en fait, ce qu'il fait, c'est que la monétisation va dans mes poches. Ok. Voilà. Donc, je vais arrêter d'utiliser tes musiques, en fait, tout simplement. Je suis pas encore la SACEM, tout va bien pour l'instant. Ça va, on peut l'escroquer. Pour l'instant, on peut croquer. Je peux t'escroquer à fond. N'hésitez pas à télécharger gratuitement les. Je vais mettre tous les albums de Cosmo Collection sur Discord. D'ailleurs, sans rigoler, ils sont tous en téléchargement gratuit sur ma chaîne YouTube. Voilà, je fais ma promotion et voilà. Exactement, mais t'as raison, c'est bien. En plus, c'est de la musique de qualité. Pour usage personnel uniquement. Oui, pas commercial. Merci. Pas commercial, non, pas du tout. Bah, même s'ils mettent le prod. Si on veut l'utiliser à fin commercial, il faut m'envoyer un mail. Du coup, il y a le mail qui est dans la description. Et à ce moment-là, on parle tarif. Ok. On vous a dit de payer. Ok, raquer un peu. On n'a pas fait ces 8 ans d'apprentissage pour rien. Genre, faut bien. Tout travail mérite salaire, on le répète. Eh oui. Mais du coup, voilà, on parlait un peu des relations et. Bah j'ai été aussi dans la crèmerie, j'ai fait quelques visuels pour eux et du coup bah j'ai appris à connaître un peu les rappeurs, j'ai travaillé avec Werko, Roberto, Shoguns aussi, ouais c'est vrai, il s'est rappelé de moi, enfin ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et peut-être un an après il m'envoie un message pour me demander si je peux faire une cover. Nice. Donc c'est cool, ça permet de. Ça veut dire que le travail est apprécié. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, était très. En toute franchise, et j'assume totalement ce que je vais dire, mais je trouve que artistiquement, en tant que production visuelle ou musicale, autour de cette table, il y a quand même, je pense, parmi les plus gros talents de Strasbourg. Je pense qu'on peut le dire, en toute franchise. Hein. Je peux que valider cette dire. Moi, je cours au bord. Ça serait mieux que moi je le dise. Plutôt, parce que là, ça... Alors. Du coup, ouais, il y a les meilleurs talents. Bah, tu roules très bien. Ouais. Les meilleurs talents. On parle de voiture. Hein. Clairement. Ouais, je suis la personne la plus apte à dire qui roule comme un chef. Ouais, est-ce que tu peux te rapprocher et dire plus fort ce que t'as dit, juste qu'on l'entende bien. Vous êtes les meilleurs. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi non plus. Une personne objective. Elle est ouais. Ça fera 50. Quoi enfin, c'est vrai que moi aussi, c'est rien du tout. Il y a un problème, j'ai l'impression. Ouais, ça fait c'est bizarre, mais ouais. En plus, avec les hallucinations auditives, je sais pas si vous avez remarqué. Les hallucinations. Les anus. C'est quoi tu parles des champis qu'on a pris avant. Non, mais on avait dit pas de drogue. Ah oui. Non, mais les champions de Paris. On aurait cru que Josh disait. On parle des 50 euros à la fin, ce qui n'est pas le cas. Hein. Non, quoi je le rappelle, il n'a pas dit attends, ça. Attends, mais moi je crois que j'ai un problème encore une fois. Là. Encore le problème de. Ah. Bon, on va faire avec. Hein, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Rigoler, RDB à la fin. Rigolera bien qui rira. Attends, mais c'est une blague de. Je sais plus d'où ça vient. Attends, rigolera bien qui rira à la fin. C'est pas Jamel Debbouze, je crois. C'est peut-être lui, ouais. Qui, quand même. Très bonne référence. Eh ben. Bah, en toute franchise, je trouve que il dépassait son humour maintenant, tu vois. Oui. Genre quand il avait 20-30 ans, faire le mec avec l'accent Tess et tout, c'était marrant. Quand t'as 40-50 ans, bon. Mais ça reste classique. Oui, ça reste classique. Il a fait des trucs extrêmement efficaces et très très drôles, effectivement. Il y a une question que je me pose du coup, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Est-ce qu'il s'est acheté une main? Enfin, je veux dire une prothèse ou il la laisse toujours dans son fut? Bah, je crois qu'il la laisse toujours. Bonne question, je me demande, faudrait lui demander. Enfin, non, ça serait trop bizarre. tu le recules, moi, finalement, la main dans le fut, c'est quoi? C'est de la. Vous touchez en permanence, c'est ça? Bah, d'ailleurs, ce sera le prochain invité, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, Lisa Monet. Avec Lisa Monet. C'est le plus incohérent. Mais ça veut dire que là, sur cet épisode, on peut mettre fit Jamel Debbouze et fit Lisa Monet. Oh, mec, le marketing, je vais me régaler. Ouais, est-ce qu'on peut drop down Drake, DJ Snake, Emmanuel Macron, Quentin Tarantino. C'est pas toi? Ah, si, c'est moi. Je mets des talonnettes et un masque. Je me disais que pendant un moment, genre, je suis peut-être pas chez lui et je me suis dit, du coup, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Non, mais t'inquiète. Ah ouais, c'est toi, ça. Tu sais, tu es là où le vent te mène. Oui. Si tu es là, à cet instant précis, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que je me laisse porter par les flots de la vie. C'est parce que je l'ai amené ici. C'est vrai aussi. C'est vrai. Les flots de la vie qui sont, que je le rappelle, le surnom de la voiture de Josh. Je suis mère dans ces flots de la vie. Au niveau de la caméra, il n'y a oui, pas... Oui, ouais, parce que... Ouais. C'est dans 30 secondes. Donc on est en avance. On a réglé comme une horloge. Tu sais quoi? Je vais la faire maintenant. 1, 2, 3, coupure. Et encore une fois, le cut absolument invisible, parce que, je le rappelle, vous êtes sur le meilleur podcast de France. Oui, et de Navarre. Ne serait-ce de l'univers. Et ne serait-ce même de la simulation dans laquelle on vit. Clairement. Dans l'univers. Quoi, on vit dans une simulation, quoi? Exactement. Elon Musk, je t'aime. Alors, donc on a parlé un petit peu de la relation avec les artistes, comment est-ce qu'on rentre en contact avec eux, on a parlé un petit peu d'argent, de business. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur par rapport à ça? I don't know. Moi, je dirais quand même... Oui. Malheureusement, il y a toujours des artistes qui sont beaucoup trop arrogants. Ah ouais, ça balance. Qu'est-ce qu'on avait dit. Il va falloir faire des coupures. Non, mais c'est juste pour parler de ça. Et je trouve que c'est dommage parce que beaucoup trop d'artistes se pensent beaucoup trop fort. Genre, I'm the big shit alors qu'ils ont rien prouvé. Voilà. Je suis d'accord. Par exemple, Hey Rob, on peut en parler. Non. Alors là, ce mec, le plus gros, franchement, il est parfait. Ouais, je contredis totalement, c'est l'homme c'est le plus parfait. Ah, ouais, exactement, Rob, une crème. Tu nous manques très très fort. C'est vrai. Homo, it's only bromance. Quand bien même, si ça serait homo, ouais, bah, pourquoi pas. Du coup, c'est vraiment très agréable de côtoyer des artistes qui arrivent à se remettre en question, écouter les autres et prendre les avis nécessaires afin d'évoluer dans les critiques. Exactement. Oui, parce qu'une critique peut... Enfin, c'est important d'écouter les critiques, parce que même négatives, si elles sont constructives, ça aide énormément. Donc ça, il faut... C'est aussi notre taf, d'ailleurs, je pense, en tant que créatif. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il faut savoir dire non par rapport parfois aux exigences d'un artiste et lui dire non, oui, là, ça va gâcher ton image. Ouais, c'est important. Il faut savoir aussi aiguiller, parce que par exemple, bon, je vais parler juste de la réal parce que c'est mon métier, je fais pas de prod, donc je peux en parler. Mais effectivement, il faut savoir dire non, il faut savoir... ce chat est hypnotisant, c'est incroyable. Et on dirait pas trop un vieux trop sage, mignon. Là, comme ça, avec ses moustaches. C'est vraiment, mec, un sage dans un dojo. C'est ouf, parce que... Regarde, il nous mate, là, qu'est-ce que vous avez, là? Surtout avec ses longues moustaches blanches, là, qui tombent, là. Et, En vrai, je comprends pas pourquoi vous parlez d'un chat plus avant. Ouais. Attends, quoi? C'est encore les champis, ça? Ouais. Okay. attends, je sais plus ce que je dis. Ah oui, la réal. Ouais. Mais c'était vraiment... Non. Non, j'ai compris que c'était pas une bonne idée, d'accord. Attends, mais vas-y, à la rigueur, parle d'une situation dans laquelle tu as dû t'imposer et dire non, parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ok. Ça, c'est lâche, ça. Ça m'est arrivé avec une track d'un rappeur, et en gros, il voulait qu'il ait un maximum de réverbération, c'est-à-dire... d'écho, en gros. Google, voilà, Google, si vous savez. Et on n'est pas votre mère, d'accord? Ouais, voilà, j'ai flemme d'expliquer, là. Et en gros, genre, dans tous les cas, sa réverbération pouvait pas être si bien entendue que ça, parce que la prod que j'avais reçue, c'était du coup la prod d'un autre beatmaker. Mauvaise de base? Un ami à moi. Pas mauvaise, mais les instruments étaient noyés dans la réverbération. Ah. Et ce que je lui expliquais, en fait, c'est que tu peux pas mettre trois personnes autour d'un puits qui vont hurler en même temps dans un puits, tu au vois, final, on comprend un puits rien. Sans fond. Ouais, tu peux pas savoir qui a crié, tu peux pas distinguer les trucs, tu vois. Ouais. Du coup, c'est normal que la réverbération s'entendra pas sur la track parce que genre c'est déjà noyé dedans et que l'option la plus plausible dans le mixage là, ça aurait été de laisser la voix plus ou moins sèche, chose que je peux pas faire non plus parce que voilà. Mais du coup, ouais, c'est là où j'ai dû un peu insister. Et comment l'artiste a réagi par exemple? Bah, il a compris. Ouais. Ouais. Bah, à mon avis, il avait la flemme de. D'argumenter. Ouais. Il se reconnaîtra de toute façon. Ouais, ouais. C'est pas tout le temps le cas. Mais... Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui sont butés. Alors qu'en tant que professionnel, parce que s'ils font appel à. Bah, j'avoue, moi j'ai pas ce problème. Mais je connais des gens qui ont eu ce problème, effectivement, ou alors même avec des clients professionnels qui veulent absolument un certain truc alors que c'est la plus mauvaise idée du monde. Ouais, clairement. Mais comme c'est eux qui mettent le bifton. À la fin, en fait, si vraiment tu t'obstines à dire non ni non, bah écoute, je vais trouver quelqu'un d'autre qui le fera. Alors que c'est vraiment une mauvaise idée. Surtout, faut pas le faire. Mais ils vont vouloir absolument le faire et ouais. Du coup, tu cèdes en disant bon, de toute façon, qu'est-ce que je te dis, s'il est buté, il est buté. Hein. Mmh. Clairement. Mais ce qui est vraiment chiant dans ces moments-là, c'est que t'es pas content de ce que tu fais. C'est vrai. Et ça, c'est l'un des pires trucs quand on t'oblige à faire un truc alors que objectivement, c'est une mauvaise idée. Tu sais que le résultat final te plaira pas et donc ça te saoule de le faire. Ouais, clairement. Bah ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est vrai. Ouais, ouais. T'as fait un truc. En gros, j'étais en train de dire ouais, c'est comme ça, c'est mieux. Et il a dit non, c'est comme ça. Et du coup, bah genre, moi ça me frustrait. Et du coup, je mixais l'élément en question que je devais mixer à part. Mmh. Pour pas entendre le défaut, j'avais solo les voix quoi. Mm. Et en gros, genre, ce qu'il fallait que je fasse, c'est ne pas écouter le tout en entier parce que ça m'énervait vraiment trop, tu vois, vraiment, vraiment. Et ouais, bon, bah finalement, c'est sorti comme ça, comme il voulait que ce soit quoi. Et du coup, c'est nul. Et c'est claqué. C'est vrai, c'est claqué. C'est, ce que j'aime bien avec Josh, c'est que comme. C'est bien, mais voilà, ça aurait pu être mieux. Comme il est spectateur. Et on m'a tout fait, il est honnête, ça, tu vois. Il peut dire, ça, mec, c'est la pire chose que j'ai jamais entendue, d'accord? Ouais, et justement, c'est là mon utilité. Exactement, mais il faut des gens comme ça. D'ailleurs, un message à tous les rappeurs, traînez pas avec des gars qui vont vous dire à chaque fois que vous faites un truc, eh, trop bien, c'est la meilleure chose. Pire des choses, pire des choses. C'est trop important d'avoir quelqu'un qui vous dit, mec, là, c'est nul à chier, tu vois. Genre honnête, ouais, c'est le plus important. Parce que c'est votre image, c'est votre carrière, c'est votre vie potentiellement qui est en jeu, en fait. Donc, entourez-vous de gens qui sont honnêtes, en fait, c'est super important. Et pas juste des gars qui sont là pour vous dire, trop bien, on donne de la force. Parce que plus, au-delà du fait que souvent c'est de la fausse gentillesse, la plupart des gens qui font ça, ils veulent juste donner de la force parce qu'au final ils espèrent gratter un billet ou de la visibilité. Donc triste réalité. Voilà, quelqu'un qui est vraiment votre ami va vous dire quand ça va pas et c'est très important. Ouais, clairement. Vincent, est-ce que t'as déjà fait un taf dont t'es particulièrement fier, tu vois? Particulièrement fier. Je parle d'un taf artistique avec un rappeur là. Je pense la cover que j'ai faite avec Shoguns, ouais. Parce que je me suis vraiment mis à fond dans son son, je l'ai écouté vraiment en boucle pendant des heures, enfin pendant que je travaillais en fait, et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. J'étais parti sur un truc à la base et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Et j'ai repris quand même un peu le concept que j'avais en tête à la base et j'ai fait totalement autrement, j'ai fait un truc très, très comment dire, très abstrait. Et c'est ce qui a donné un résultat à la fin qui me plaisait beaucoup parce que c'était, artistiquement c'était bien et techniquement c'était bien fait. J'avais bien réussi à gérer le boulot et le truc c'est que je lui ai montré. Et il a accroché direct. Et je me suis un peu... Ah, raison d'ailleurs, elle est très belle. Elle est très belle. Merci beaucoup. Mais je me suis fait un peu à son univers. Je me suis dit, qu'est-ce qui va lui parler et tout. Et j'ai fait un truc très abstrait. Très abstrait. Alors qu'à la base, je voulais faire un truc très imagé. Et au final, ça lui a grave plu. Il a adoré au niveau des couleurs et tout. C'était vraiment un truc qui lui a plu. Donc, je suis très content. Et est-ce que tu penses que ce premier jet... que t'as finalement trouvé pas adapté, ouais. Était obligatoire pour trouver... Ouais. Ça m'arrive... C'était ton brouillon, quoi. En fait, toutes les fois, quasiment, 95% des cas où j'ai abandonné un travail, en me disant « Non, c'est pas une bonne idée, je repars de zéro », c'était mille fois mieux après. Et il y a des fois où je me force à finir un truc en me disant « Bon, allez, j'ai beaucoup travaillé dessus, autant le finir. » Ah, jusqu'au bout, ouais. C'est à la fin, je suis jamais à 100% satisfait. Donc mauvaise idée, quoi. Voilà. Se forcer, mauvaise idée. Ouais, et souvent, en plus, ce qu'il y a, c'est que on se dit « Oh non, je vais devoir reprendre un travail de zéro, ça va être chiant, ça va être long et tout. » Et quand on le reprend de zéro, on va beaucoup plus vite parce qu'on a déjà des idées claires. Et du coup, ça va très vite. On est content de ce qu'on fait. On va vite dans le travail et c'est beaucoup mieux. Mmh. Moi, je conseille de faire ça. Quand on n'est pas content de quelque chose, le refaire complètement, en fait. Pas repartir de zéro. Mmh. Souvent, tu dans des travaux comme ça, tu as tendance un peu à colmater un peu ce qui va pas. Ouais, parce que tu as trop peur de perdre dizaines d'heures exactement. De travail. Et en fait, faut pas. Ouais, bah ouais. Ouais, faut pas forcer. Hein. Toujours recommencer. Exactement. Recommencer jusqu'à ce que ce soit bon. Pas le truc d'il y a 6 ans, là. Ça, tu recommences pas. Ah ah non. Mais est-ce vraiment une mauvaise idée? J'en suis pas si sûr, mal. Ouais, c'est vrai que de toute façon, la vie est un cycle, tu vois. C'est-à-dire que tu fais un truc, tu rates, et tu te relèves, tu fais un truc, tu rates. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a un truc, une prod, ou un mix d'ailleurs, pas forcément une prod, dont tu es particulièrement fier, où tu te dis. Je suis le putain de meilleur. Laisse-moi juste faire une parenthèse. Ah. Vas-y, dis. Alors, notre ami beatmaker Goldbomb. La bombe dorée, on l'appelle. C'est simple. Dès qu'il y a un nouveau truc. Oh mec, j'ai sorti un nouveau truc. C'est de la frappe encore meilleure que l'ancien. C'est vrai, à chaque fois, je n'ai pas du tout l'ego. Ça. Oh, ce mix, il est parfait. Genre, il est. Je suis content de mon travail, tu vois. Après, mais il faut être son premier fan. Mais ça, je dois avouer que je suis comme ça aussi. Mais en même temps, t'évolues. Oui, t'es t'apprends tes erreurs et t'es de mieux en mieux. Mm. Donc après, et en plus, t'es dans l'euphorie du moment d'avoir fini un truc. Donc forcément, tu te dis, ah, c'est mieux que tout ce que j'ai fait. Ouais. Ça m'arrive souvent. Clairement, mais c'est normal. Et puis même, il faut être super fier de ton travail. T'imagines, si toi-même, tu t'es pas fier de ton travail, personne peut en être fier. Tu vois, clairement. Genre, tu vas le présenter, tu vas dire, ouais, bah, c'est bof. Tu vois, la personne en face, elle peut pas dire, oh non, c'est trop bien. Tu vois. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont comme ça dans le milieu créatif qui font de l'excellent travail, qui pourtant, ils se disent, ouais, c'est de la merde ce que je fais. Ouais. Mmh. Ben, en fait, je pense que déjà, en tant qu'artiste, on a forcément un ego qui est, on va dire, qui est pas. Attends, est-ce que tu peux l'enlever? Ça va faire du bruit, mec, on va l'entendre. Est-ce qu'on peut le pendre? Viens. Ouais, non. Alors, la PETA. Évidemment, la PETA, ne nous faites pas c'est de procès, c'est une blague. Ouais. J'ai trois en chats. Live, j'ai attention. Trois chats, on empêche pas, hein, un chat de. Tiens, montre-le un peu à la caméra, on l'a jamais montré. ne le montre pas. Ah, si. Il est flou. Mais le voilà. Voilà. Voilà. Batou, de son vrai nom. Ok. C'est pas vraiment Batou ? Oui, c'est ouais. Batou. Comme c'est Batman, parce qu'en fait, il a le mot. Oui, ouais. C'est triste. Bâtard, il a dit c'est triste. C'est lui qui l'a dit. Bien, quand même. Non, mais c'est parce qu'il a une robe un peu grise-noire et que, en fait, comme sa mâchoire est blanche. Merci. Et que le reste de sa tête est grise, on dirait qu'il a un masque, en fait. Le masque de Batman. Ah oui, ouais, ok. Mais pourquoi pas l'appeler Batman ? Bah, c'est plus mignon, là, pour un chat, je trouve. C'est vrai que c'était mignon quand il faisait 10 cm. Maintenant qu'il est gros et con, maintenant c'est qu'il fait 14 kilos. Ouais. Effectivement. Une demi-tonne, on le rappelle. 14 kilos. Non, pas du tout. Ouais, ça se voit qu'il fait 14 kilos. il fait bien plus. Alors, ouais, du coup. Oui, en tant qu'artiste, de toute façon, à partir du moment où. Parce que le fait d'être artiste, c'est quand même dire. « Oh, j'ai pensé à un truc, ça mérite que tout le monde le voit, tu vois. » Rien oui, que ouais, ça, clairement. Ça veut dire que t'as un ego qui est, je dirais pas forcément supérieur, mais... Prononcé. Ouais, prononcé, tu vois, où t'es fier de ce que tu fais. Et je pense que la tangente de ça, quand tu parles des artistes qui assument pas leur travail ou qui le dénigrent, c'est tout un mélange de problèmes de société, de critiques, et aussi de manque de confiance et en soi, tu vois. Le fait de se comparer... Bien sûr, les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est bah sûr. Oui, ouais, c'est un problème. Mais bon, voilà, bah du coup, genre, les deux trucs dont je suis plus fier, je vais parler d'abord d'une qui est déjà sortie, peut-être comme ça les gens pourront directement aller checker. Tu peux et ensuite je vais parler le truc qu'on a fait l'autre fois. Ah. En gros, il y a une de mes musiques que j'avais fait avec Orek et Avoc qui s'appelle Swipe, voilà, qui est dispo sur YouTube, Spotify, tout bordel. Shout out. Et en gros, cette musique-là, elle parle des applis de rencontre, du coup. C'est vrai qu'on s'en doutait un petit peu, non, je pense. Et ouais, en gros, genre, ça parle un peu du côté malsain de la chose, qu'il passe sa journée à swiper, tout ça, et super que ça recommence, et tout ça. Ouais, voilà, un peu de ça. Et c'était pas du tout fait exprès, mais genre, la prod que j'avais faite, elle avait une ambiance un peu glauque, tu vois. Genre aussi glauque que ce concept-là de... faire les courses sur son téléphone, ouais, tu vois. Et du coup, je trouvais que genre les paroles qu'ils ont posées dessus, plus l'ambiance de la musique, c'est un ensemble très cohérent, ouais, voilà, artistique très très cohérent. Ouais. Et le mix est aussi très cool parce qu'il y a peu d'éléments dedans. En fait, si tu veux, j'avais commencé avec une boucle de basse house qui faisait bon, bon, bon, bon, bon. Très bonne imitation d'ailleurs. Merci, ça fait plaisir. Je suis top 5 imitation française, on rappelle. Beatboxer, mes heures perdues. Hein, bien sûr. Et ouais, du coup, genre, j'ai pris cette boucle-là, et à la base, je voulais faire un truc un peu house, bass house, tu vois. Et finalement, j'ai fini par faire un beat trap dessus, ça donnait un groove un peu qui était intéressant, et que genre, j'avais pas forcément entendu ailleurs, tu vois. Et qui est plus réussi que ce que tu voulais faire à la base, d'ailleurs. Oui, voilà. Okay. Et du coup, comme il y a peu d'éléments, parce que cette basse-là prend beaucoup de place dans le mix, tu vois, la voix ressort vachement beaucoup, même s'il n'y a pas énormément d'effets dessus, genre, c'est chaleureux, et genre, ça passe super bien, tu vois. Et en même temps, genre, il tape bien au niveau des percussions et tout ça. Du coup, je suis grave content de cette musique. Alors... même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Ah, c'est vrai ? Ouais, il y a des gens qui l'aiment pas. Il y a des gens qui l'adorent. Après, je confonds Avoc et Anonymal, pardon. Ouais. Parce que j'allais dire Anonymal, non, ça aurait c'est pu pas, se comprendre étant donné qu'il a un timbre de voix assez spécial. Ouais. Mais d'accord, ok. Bah écoute, je ne la connaissais pas, donc j'irai voir, fait. Par curiosité. Et là, par contre, tu soulèves une question intéressante, parce que tu dis, c'est un truc un peu plus simple, et je trouvais ça plus efficace et tout. Ouais. Donc, alors... À ton avis, est-ce que il faut bon, je connais à mon avis, je pense connaître la réponse, mais est-ce que il faut parsemer sa prod de petits détails, comme on dit, le diable se trouve dans les détails, ou alors est-ce que simplicity is the key? Ça dépend du. Exactement. Ça dépend en fond, parce que j'avais déjà fait une prod il y a un moment où il y avait pas grand-chose dessus, et en fin de compte, après avoir enregistré les voix en studio, bah j'ai fini par rajouter pas mal de trucs sur la prod, tu vois. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Il y a beaucoup trop d'éléments qui rentrent en compte. Et ouais. Globalement, tu trouves que simplicité, c'est mieux, ou less is more, ou... Bah, si tu veux, genre, si la track est un peu plus vide qu'une track, par exemple, Post Malone ou des trucs du genre, tu vois, bah, ça ira plus vite de la mixer, et ce sera plus intéressant artistiquement au niveau du mixage, tu vois. Tu pourras essayer plein de trucs avec plein d'effets et tout ça, alors que si t'as un projet très chargé, très ambiant, avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'instruments, il faut juste que tout trouve sa place pour que tout soit audible et cohérent, tu vois, ensemble. Et du coup, là, ça laisse moins le choix, t'es obligé de faire des sacrifices au niveau de certains éléments par rapport à d'autres, tu vois. Donc pour toi, alors je sais pas si c'était clair. Ouais, si je vais essayer de déconstruire, mais du coup une prod à la Lil Pump, du coup ça serait mixage facile et plus d'expérimentation. Ouais. Alors que une prod style bah effectivement Post Malone, ça serait plus de place à la création, l'univers. Non, ce serait plus genre il faudrait juste que, en fait si tu veux, le but du mixage c'est que tous les éléments de la musique s'entendent distinctement. Ou alors, enfin bref, et aussi que genre ça soit cohérent au maximum avec la voix et tout ça. Et il y a plein de choses que t'aimerais faire, par exemple transformer un synthé en synthé 8 bits, tu sais, genre gamelle. Il y a des moments où tu peux pas le faire parce que genre c'est ni adéquat à la musique ni adéquat au mixage, tu vois. Genre ça va couvrir certains, enfin c'est bien trop compliqué, genre je pourrais en parler 1000 heures, mais finalement c'est la réponse que tu as donnée avant, c'est-à-dire ça dépend du contexte. Oui, voilà. C'était bien plus court et plus efficace que la réponse. Non, mais j'essaie de, parce que c'est intéressant, tu vois. On écoute tous beaucoup de musique à cette table, comme bah, la majorité de l'être humain finalement. Et en fait, pour les gens qui sont pas forcément dans cette industrie et dans cet art, on se rend pas compte en fait de toutes les petites ficelles et tous les petits détails qui se cachent derrière, tu vois. Ah, clairement. Bah même le mixage, genre certains ingé-sons ont sauvé parfois des morceaux et des albums complets, donc mais pour moi la qualité d'un son est clairement synonyme d'un bon mixage. Ouais. Si t'as un mixage pourri sur un son qui est plutôt bien, genre il sera toujours moins bien qu'un son très nul mais qui est archi bien mixé, tu vois. Ok, voilà. Ok, ce n'est que mon humble avis. Non, mais de quelqu'un qui travaille dans le domaine, donc c'est à prendre quand même. Ouais. Écoutez, chers amis, ça fait 17 minutes, je propose qu'on en reste là. Ouais. Pour ce petit épisode sur... À moins que tu aies quelque chose à dire, Vincent ? Non, j'avais peut-être juste un truc. C'est que moi, pour quand vous parliez de mixage, là, Quand toi tu m'avais dit que Racks on Racks de Lil Pump était très mal mixé, et en fait moi je vois pas trop la différence avec d'autres sons. J'ai pas du tout l'oreille musicale. Je vais répondre en tant que personne qui est extérieure à ça, et puis après tu donnes ton avis de pro. Je trouve c'est intéressant pas comme la musique du coup. Ah c'est vrai, ouais. Racks on Racks. Non, je connais pas. Bah écoute, ouais, ça serait compliqué de la passer là. Mais bah je chante là un peu. Tu vois, c'est mal mixé. Il y a un problème de réverbération. Hein. Et là, est-ce que ça sature ou pas? Bah là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ouais, c'est parfait, parfait. Nickel. Non, mais par exemple, à mon sens... Oh tiens, j'ai retrouvé le M&M's du chat, il est là. La faille, la faille spatio-temporelle est un... Et le sol, finalement, en fait. Attends, ça veut dire que tu laisses tomber un objet et il tombe sur le sol? Oui, portable. Exact. Ah. Et ben on en apprend tous les jours. Ah, la pomme. Merci, la bof. J'ai envie d'appeler ça la gravité. Ouais. Ah. Je trouve ça. C'est un bon nom. Bon, c'est clair. On garde. Moi je valide. Ça part en radical. Ça part en prod. Attends, alors, t'as vraiment mangé les M&M's? Bah ouais. Ok. Bah si. S'il est sale, ça veut dire que le chat de Vincent est sale. Le sol est sûrement sale. Non. Vincent est un maniaque du ménage. C'est vrai. La richesse. Il a quoi? À part la table de la cuisine, mais c'est parce qu'on a mangé ce matin. Ah, oui, bien sûr. Ouais, donc, ouais, à mon sens, du coup, le mixage, c'est l'art de rendre une musique, comment dire... audible au grand public, c'est ce que tu veux dire. De faire ressortir toutes les subtilités. Pour qu'on puisse être immergé dans une musique et que vraiment ça soit... à mon sens, la différence entre un morceau, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Du Drake. Ouais, après, bon, c'est... Par exemple, tu prends... comment ça s'appelait ce qu'il avait fait Look Alive, tu vois. C'est pas une musique qui demande un mixage absolument incroyable, à mon avis. Alors que tu prends un morceau où t'as beaucoup de pads... plein de petites hats dans tous les sens, là à mon avis c'est beaucoup plus tricky, tu vois. Et du coup, moi je dirais, pour te répondre, et ensuite on aura l'avis de Goldbomb, qui est quand même hyper beau, c'est ce que t'as dit. Exact. Oh. Il est hyper beau, putain. Oh. Il est hyper beau. Ah bah je vous renvoie un vrai compliment du coup. Hein? Je vous renvoie le compliment. Merci. Il l'a dit de son plein gré. Vous avez vu, hein? Ça fera 50 euros. Ah, encore un problème de carte. Tu peux rebrancher. Ouais. Du coup, c'est bon, t'entends là? T'entends? Ouais, ouais. 50 euros. Hein? Oh, putain, il y a encore rien. Il y a de la friture sur la ligne. Il y a de la friture. Il est malade ce mec. C'est mal mixé là. Ouais. Je dirais du coup, mixage est égal. Faire attention aux subtilités pour que la prod soit de qualité. Mmh, exactement. Moi, comme je disais, c'est que tout s'entende bien, que tout soit audible. Quoi. Voilà, bah, la vie d'un pro, comme quoi, ça tient en 6 mots, donc bah, je vais me faire foutre, hein, finalement. J'ai un exemple tout simple. De quoi? Du coup, imaginons... Il a un exemple. Ah. Imaginons que tu sois... Tu passes de la poterie. Exact. La musique, on va dire que c'est l'argile que tu poses dessus. Et le mixage, le mastering, c'est... De donner la forme que tu veux. Voilà. Très belle métaphore. Est-ce que vous avez déjà fait de la poterie? Oui. C'est vrai? Je suis animateur. Ça a l'air complexe, hein? Demande à Jérôme. Ouais, je savais pas, c'est juste... Non, mais évidemment, entre, ça faire, doit être minutieux. Entre faire un mug où il y a écrit « I've got a big banana » et faire vrai vase romain. Je sais pas, moi, j'en fais avec les enfants au travail, du coup. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est toujours mode. Est-ce qu'il y en a qui font des zizi? La question c'est, est-ce qu'il y en a pas qui font... Non, les grands ça arrive, mais bon. Regarde, j'ai fait une bite. Ils sont quasi collégiens, quoi. Elle a veine et tout. J'ai fait deux bites avec deux veines, frérot. C'est toujours les gars. Les gars, j'ai besoin de mon travail, s'il vous plaît. J'avoue, tu bosses avec des gosses. Shalom tous les gosses qui traînent avec cet homme extrêmement peu recommandable. Non, je regarde, bien sûr, évidemment. Tu feras plein de bites. Hein. Goldbomb en amour. Plein de... God damn, tant de malaise en si peu de temps. Bref, du coup, on peut s'arrêter là. On est sur du plus d'une heure de podcast. Cool. Déjà. Hein? En tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quand très intéressant. Voulez. J'espère que ça vous a beaucoup éclairé un petit peu sur l'industrie et le business de la musique, qui est complexe en réalité. Et c'est quand même très très intéressant de se pencher là-dedans. Vincent, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Colimaçon. Ok. C'est inadéquate mais joli. Merci. Mm-hmm. C'est beau là en français. Ça sonnait bien. Il y a plein de mots. Escarmouche, ça c'est joli comme. Escarmouche, c'est beau. Ouais. Moi j'avais une suggestion pour un prochain épisode, si jamais. Je sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais ce serait cool de faire une bonne franquette sur les animés. Sur les ? Les animés. Sur les mangas animés ? Ah ouais. Vas-y, avec plaisir. Mmh, ouais. On en a fait sur les jeux vidéo. Et on pourrait inviter... Ouais, on en parlera, comme ça, pas de spoil. Moi, je spoil pas et les inviter. Quoi ? Non. Non, mais après, on parlera après. Dis-moi tout de suite. Non. Tout de suite, t'enlèves ton Emmanuel micro, Macron. Emmanuel Macron, pour des qui est fan d'anime. Macron, ça m'a, quand même. Macron, ça m'a, quand même. Je pensais à Edith Piaf. Ah oui, ouais. Qui est mort, je le rappelle. Ouais, ouais. Il faut vivre avec son Piaf est morte. Il faut demander une autorisation à la ville, mais voilà. C'est compliqué. Une autorisation à la ville. Tu sais, tu vas à la mairie. J'aimerais inviter Edith Piaf dans mon podcast. Sécurité, sortez-le, s'il vous plaît. Ok. Ouais, très bonne idée, les animés, effectivement. Grand fan ici, grand fan là aussi. Ouais, fan moyen plus. Moyen plus, on peut dire. Bah, j'aimerais bien avoir plus de temps pour pouvoir en voir beaucoup, mais parce ouais, qu'en fait, le piège des animés, c'est que ça dure 24 minutes, mais il y a un milliard de saisons, un milliard d'épisodes, donc. Mais ouais, c'est ouais, ça quand même. Hein. C'est vrai. Tiens, est-ce que tu peux nous citer par exemple une œuvre qui t'a marqué en animé ? Il y en a tellement. Là, la première qui te vient à l'esprit généralement, c'est celle qui est le. Je sais pas. On va dire. Je sais pas si je prononce bien. Boku no Pico. Non. Surtout, ne recherchez surtout pas ce que je viens de dire sur Google. Vraiment. Ne faites pas. Et du coup, ça serait Shinsekai Yori. Parce que c'est très, très poussé psychologie. C'est ok. Super bien du et du coup, par exemple, Psycho Pass, Death Note, ça te parle aussi ? Des classiques. Ouais. Ok. Nice. Cool. Bah écoute, avec grand plaisir, on va prendre cette recommandation. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Des recommandations de sujets que vous aimeriez entendre ou de diverses, pourquoi pas des invités, parce que pour l'instant on reste dans le cercle des amis et des connaissances et des conducteurs d'exception, je vous rappelle. Mais n'hésitez pas voilà, à participer au podcast et à soumettre des suggestions. Golbomb, un mot pour la fin. Une phrase. Une phrase. Une phrase. Un texte, un livre, tout ce que ouais, tu veux. Un poème. ouais, bah, si jamais dans votre vie, vous faites quelque chose de créatif, vidéo, photo, musique, essayez d'en faire votre métier. Pourquoi aller à un travail de merde, voir toute votre vie et regarder l'heure passer alors que vous pouvez genre juste kiffer votre taf. Voilà. Exactement. La chance qu'on a, c'est de vivre dans une société riche, et donc du coup on peut expérimenter énormément de choses. Clairement. Et l'art est un domaine vaste, et vous trouverez forcément chaussures à votre pied, donc ne faites pas des tableurs Excel, vraiment, ça va pas. Sur votre lit de mort, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Ouais. Mais bon, quand bien même, si c'est ce que vous faites et que vous appréciez, on accepte. Mais prenez-vous en main. du coup, le mot de la fin, ça sera merci. Merci de nous écouter encore, puisque du coup c'est le premier épisode de la saison 2. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec de nouveaux guests haut en couleur et haut en qualité. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Portez-vous bien et... Peace. Salut. Et à la prochaine. Malaisant de fou là. À la prochaine.